Que Dieu soit béni. Amen. Lui, notre Sauveur. Amen. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous pouvons avoir de l'assurance devant Dieu. Dieu n'habite pas dans un cœur condamné. Si nous voulons que Dieu demeure dans notre cœur, par ce culte de ce matin, vérifions s'il y a une condamnation. Si ce cœur reproche quelque chose, un péché quelconque, une iniquité, une rancune, un sentiment d'orgueil, d'arrogance et d'indifférence, d'insolence et de dédain, de vol et de mensonge, confessez ça. Confessez-le. Jésus-Christ, il est le divin avocat. Il a promis que si nous confessons nos péchés, lui, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. S'il y a une quelconque culpabilité, un obstacle, là au fond de ta conscience, dans ton propre cœur, que cette semaine, le mois ici, qui évolue, tu as un péché inconfessé qui te rend indigne et tu le sais. Confesse, dis quelque chose à Dieu maintenant. Dis: Seigneur, accorde-moi une grâce. Aujourd'hui, je sois délié de tout lien de péché, de toute iniquité, de tout esclavage du mal, de tout formalisme, de venir et rentrer juste comme une formalité, comme un petit devoir d'église, d'aller au culte comme ça. Car toi, Dieu, tu détestes une religion sans puissance. La religion sans puissance devient une puanteur. Dieu, il est un feu dévorant. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ils doivent être chauds pour Dieu. Disons quelque chose à ce Dieu maintenant. Si ton cœur te reproche quelque chose, confesse-le dans le sang de Jésus, le compatissant devant lequel tu te tiens maintenant. Dieu qui te voit, Dieu qui t'a vu, Dieu qui sait tout, à qui rien n'est caché, confesse. Demande-lui pardon Le lavage par le sang. Et que ton péché ne soit pas un obstacle pour la réussite de ce culte. Que ton péché ne devienne pas une masse isolante pour stopper la transmission de la puissance qui s'allume. La puissance du Saint-Esprit qui opère dans l'évangile. Humilions-nous chacun. Ne bombons pas les torses. Dis sur quelque chose, chacun a dit. Dis plus profond de notre cœur et avec sincérité. Frère, sœur, prie. Dieu t'a vu, Dieu te voit. Rien n'est caché devant lui. Il veut d'une église établie. Il veut d'une église super puissante. La race des élus vainqueurs. Qui doit être bien sûr élevé. Réclamons la miséricorde de la grâce. Demandons ce secours maintenant. Il y a force dans le sang de Jésus-Christ. Yangonde nazoli kosala bolambo nalenge kosala kolona kokete mabe na bo kosala yangonde nazoli kosala bolambo nalenge kosala kolo nakokite Yesu nzambe yalobeko nanga na sengi na yo Yesu yaka koso nanga kolo oso nanga Yesu nzambe yalobeko nanga yalobeko nanga na sengi na yo Yesu yaka koso nganga kolo oso nganga Yesu zambe yalobe konanga yalobe konanga na beli na yo Yesu yaka koso nganga na etumba oyo kolo na kokite kokonda olongai moto yango naleli nayo Yesu yakobunda elongo nanga na etumba oyo na etumba oyo Yesu na kokete kokonda nanga ye moko yango nasengi nayo Yesu yakobunda elongo nanga Yesu Yesu zambe yalobe konanga lobe konanga nasengi nayo Yesu yaka koso nanga kolo oso nanga Yesu zambe yalobe konanga yalobe konanga nasengi nayo Yesu yaka koso nanga. Il a dit que sans moi vous ne pouvez rien. Asira kolobe te sekinga ite bakoko kanabino ta elakote. Le Seigneur est mon aide. Nikolo azali disungi nangai. Que peut me faire un homme? Mutumpe akoki kosalela kaka ngai nini? Le Seigneur est mon aide. Nikolo lelisungi nangai. L'honnêteté exige de l'exprimer. Bosembo esengamete etali. Nous ne devons pas faire semblant d'être des saints. Ni donner l'impression aux humains d'être spécial. Tu es un pécheur sauvé par grâce. Et tu as besoin de cette grâce chaque jour de ta vie. Humilie-toi et Dieu te lèvera. Invoque-le et il te délivrera. N'aie pas honte de l'appeler sur la scène. Ça, c'est véritablement lui le sauveur. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Personne ne peut se sauver. Bombez les torses. Pour se glorifier. Mais c'est Dieu qui sauve. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, de tout cœur, nous te disons merci pour l'œuvre salutaire de Golgotha. Là où tu étais descendu de ta gloire, tu as été fait de paix inférieur aux anges. Tu es devenu un homme ordinaire, homme de douleur habituelle. Dieu manifeste dans la chair humaine. L'invisible est devenu visible. Et tu as été vu des anges. Tu as connu la mort la plus ignominieuse. À cause de nous. À notre place. Nous les vrais coupables. Tu as porté le fardeau de nos péchés. De nos douleurs et nos iniquités. Tu as crié au secours. Eli, lama sabachthani. Tu as emporté ce péché au loin. Tu fus enterré. Mais ton corps ne pouvait pas connaître la pourriture. Tu ressuscitas le troisième jour. Et tu es apparu pendant 40 jours. Donnant l'épreuve de ta résurrection. Et en ce temps de la fin, longtemps après ton ascension au ciel, tu es réapparu. En juin 1933, la même colonne de feu qui avait rencontré sur les tasses est apparue à nouveau dans le fleuve Ohio. C'était la preuve de sa résurrection. Nous l'avons vu et il y a la preuve encore. Et tu as été fait au rentier, Seigneur. Nous savons que c'est vrai. Et en 1963, la nuée de gloire, la gloire de la Shekinah, venue par une église apostate, l'église de Laodicée, le pentecôtiste chaotique, qui était tombé par l'organisation. Mais tu as fais grâce. Tu t'es rendu visible à nouveau. Dans la colonne des nuées. Et tu vas le preuve de ta résurrection. Que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es la divinité suprême. Le roi de gloire. Le juge suprême des cieux et de la terre, le vivant et des morts, il a le pouvoir de changer l'église, de restaurer l'église. Et tu as libéré ton message, le sceau de la rédemption. Le message est dans les mains de l'église. Sois béni pour cette grâce. Nous ne t'aimons pas à part pour expérimenter ton salut pour bénéficier de tous les moyens que tu as donné au sein de ta maison. Donne à chacun sa portion. Donne à chacun sa cote. La proclamation de l'évangile. Donne à chacun la portion de grâce. La portion de puissance. Il y a nécessaire. Pour ce voyage, et que devant chaque bataille, chaque épreuve, chaque expérience, nous ayons ta victoire. Qu'on Dieu ne fasse à part. Est-ce qu'on prend l'ennemi sur tous les fronts? Réduis le diable en ayant. Car ses armes ont été dépouillées. Par Jésus le Tout-Puissant conférant. Maintenant, pourchasse-les. L'homme du Seigneur les pourchasse. Tous les fronts où ils se cacheraient. Pourchasse-les, Seigneur. Pourchasse-les, famille. Pourchassez-le comme un cancrela. Pourchassez-le comme un fourrier. Oh, le tout pouvoir à ton église. Car tout ce que Dieu était a été répandu en Christ. Et tout ce que Christ était a été répandu dans l'église. La divinité parmi nous. La divinité dans l'église. La divinité parmi les humains. Nous voulons le roi de gloire. Le Dieu si pervers de cœur, c'est votre nouveau. Opère encore un miracle. Manifeste encore ta puissance. Guéris le corps malade. Détruis toutes les flèches de l'ennemi. Toutes les flèches enflammées. Toutes les attaques au cœur. Le piège des démons. Confirme ta parole. Quelle est la vérité chaque jour? Qu'elle sauve les âmes et nous libère. Au nom de tout puissant, merveilleux Jésus, nous prions ici. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons tous dire, j'ai la foi pour le voir. Amen. Nous disons encore, j'ai la foi pour le voir. Que Dieu te bénisse. Veuillez vous asseoir. Nous allons, oh, s'il vous plaît, restez encore debout. Comme, nous lisons la portion de la parole de Dieu. Alléluia. De Corinthiens chapitre 6e. Le verset 1 et 2. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Bongo awa ezali biso kosalana na ye mosala tokobongolaka bino ete bayambangoli na nzambe pamba te mpo ete elobi ete na ntango ebongi nayoki yo mpe na mokolo nakobika nasungaki yo tala ntango ebongi ezali nde sasa ipi tala mokolo nakobika ezali sasa ipi Hébreux chapitre 4 verset 1 bayebolo mokapo ya mine ye molongo ya liboso craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Matthieu chapitre 25. Verset 8 à 12. Ah non, ben, c'est le verset 13. Donc verset 8 à 13. Les vierges folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles y allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. nzambi minda na biso ezalinde kosimana nde bango na mayele bazongisi loba ete te soko ete ekokabaka biso bino na ekokabaka pona biso mpe pona bino ekokoka te bokende epai na batekisi mpe bosomba mpona bino penza ekei bango kosomba mobali na libala ayei mpe bango babungi bayingelaki esika moko na ye kino na libala mpe ekuke ekangami na nsima baseka mosusu bayei mpe balobi ete nkolo nkolo nzipwela biso nde ye azongisaki monoko ete nazali koloba na bino solo ete nayebi ata bino te bongo bokengelaka mpo ete boyebi mokolo soko ntango te Éveillez vous asseoir au nom de Jésus Christ. Nous souhaitons à chacun la bienvenue devant Dieu. Dans l'amour divin, nous souhaitons la bienvenue à votre âme. Qu'elle quitte la zone des ténèbres du péché. Qu'elle quitte l'esclavage de l'incrédulité. Et que femme reçoive la lumière qui est dans le Seigneur. La lumière du salut. Être sauvé est une réalité. Notre Dieu sauve effectivement. Mais vous devez vous reconnaître perdu. Pour que ce salut devienne effectif. Que ce salut divin soit activé. Que ce salut soit efficace. Vous devez vous reconnaître perdu. Notre méditation ce matin, comme on peut le comprendre, reçoit le salut de Dieu maintenant. Sans retard. Reçois le salut de Dieu maintenant. Sans retard. Le Seigneur a dit, veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le bonhomme dit que chaque battement de notre cœur nous rapproche de l'une de deux choses ici après. Ton cœur ne va battre qu'un certain nombre de fois que Dieu seul connaît. Ton cœur humain ne battra pas indéfiniment. Il bat un certain nombre de fois que Dieu connaît. Et il arrivera qu'il batte pour la dernière fois. Et ça peut se passer pendant le culte ici. Et qu'on n'aura pas fini, ton cœur a battu pour la dernière fois. Et il ne pourra plus battre au-delà. Parce qu'il aura atteint la limite fixée par Dieu. Nous devons le savoir. Ceux qui sont décédés là, certains avaient perdu de vue cela. Mais ils ont été surpris de se retrouver dans l'au-delà. Alors ils pensaient encore continuer à vivre ici. Alors chaque battement de notre cœur nous rapproche de l'un des événements ci après. Soit c'est votre mort physique. Au terme fixé par Dieu, le nombre de jours, le nombre de mois, le nombre d'années que Dieu avait fixé pour toi. Pas approximatif, mais précis. Sur terre, depuis que tu es né, tu accompliras autant de choses. Convertis cela en moi, autant de moi. Il y a une différence, ce sera autant de mois plus autant de jours. Convertis cela en année, ça sera autant d'années, autant de mois et autant de jours. Et s'il y a une surprise en heure, autant d'heures. Et s'il y a une surprise de minutes, autant de minutes. Et même s'il y a un surplus de secondes, ce sera, tu vivras autant d'années, autant de mois, autant d'heures, autant de jours, autant d'heures, autant de minutes, autant de secondes. La bombe s'accuse, mais à ce qu'on a fait, Et dès que la dernière seconde clignotera, au même instant, en un clin d'œil, le cœur aussi immédiatement stop. Ça peut arriver au cours d'une maladie. Aigu ou chronique, grave ou banal, ça peut arriver en plein sommeil, ça peut arriver pendant que tu veux monter sur la moto, ou tu veux juste monter dans un combi, un taxi bus. Quand cette seconde là sonne, ceux qui t'observent diront, on l'a vu juste s'évanouir. Le temps d'amener à l'hôpital, trop tard, les médecins ont dit, vous avez amené un cadavre. Les gens vont se demander, mais il était en bonne santé apparemment. Bon, son temps est arrivé. La seconde a sonné. La minute est arrivée. Il ne peut plus vivre au-delà. Son cœur doit s'arrêter immédiatement. Quel que soit ce qu'il fait, son état, son programme, ses ambitions, son cœur doit s'arrêter parce que son créateur avait déjà décidé comme ça. Qui a pouvoir sur le souffle de vie? Il y a pouvoir sur le mouvement des membres du corps. C'est de lui que nous recevons la respiration, le souffle de vie. C'est de lui. Et de lui aussi nous recevons le mouvement. Même le mouvement du cœur. Le battement du cœur, c'est un mouvement. Ça vient de Dieu. Mes mains ici bougent comme ça. C'est de Dieu qui fait ça. Dès qu'il dit stop, vous verrez juste la main aller. Akaouki. Fini. Et si dit. Le seul et dernier mouvement qui resterait, c'était s'évanouir. Dans n'importe quelle direction, c'est parti. Parfois, il est en train de se lever comme ça. Il est en train de prêcher. Il a élevé sa main. On a vu la main se bouger. On pensait que c'était juste un petit malaise. Un petit malaise. Oh non. C'est la fin. Fini. Dieu est celui qui connaît ces moments-là. Et chaque battement de ton cœur ne fait que réduire le nombre de battements qui te restent à vivre. Depuis que tu es entré ici, ton cœur a battu combien de fois tu le fais pas. Mais Dieu le compte dans son compteur pour toi. Donc, tout le temps que tu as passé ici, ça continue à réduire. Le compte à rebours, ça ne fait que diminuer. Donc, plus ça va, et pendant que je prononce ces phrases, le nombre ne fait que diminuer davantage. C'est en train de diminuer. Il reste autant. Donc, c'est comme un ange qui surveille là. Pour John, Depuis que je me suis étalé, le sommeil tarde à venir. Ça commence à donner un peu de mal de tête. Oh, c'était le dernier battement du cœur. Chaque battement du cœur nous rapproche de cet arrêt-là. Et vous allez dire, comme il m'a dit, c'est que chacun prend conscience. Ton cœur ne va pas battre indéfiniment ici-bas. Ne dis pas, voyons, attends, le vivant, on va vivre, non. Mais on ne peut pas vous faire l'eau. Tu ne seras pas le premier à mourir comme ça. Ou la mort est tongo, ok, église, mouzong ina bébé. Ananias, ça lui était arrivé comme ça. À Sukolaki, à Lati, à qui vraiment église. Mais à quoi vous n'avez église? Et puis, bah qui vous n'avez? Vous avez bien l'endroit vous n'avez normal à qui vous semblez là. Mais elle qui est aussi là, avec déjà dans quatre cimetières. Avant même la fin du jour, déjà entré. Quelqu'un qui était sorti le matin, qui s'est apprêté, qui s'est habillé pour aller prier Dieu. Mais c'est là-bas, à l'église, que la mort l'a rencontré. Sa fille et sa femme, même chose. C'est Dieu de qui nous recevons la respiration. Le mouvement et tout. Tout ce que tu peux avoir, c'est Dieu qui donne. Alors, la nafi, je pars. Ne deviens pas distrait. N'oublie pas que tu dépends de lui. Ne pense jamais que tu commences à dépendre de toi-même. Que tes efforts ou ton intelligence pour savoir, tu as devenu quelque chose. C'est derrière tout ça. Il y a un Dieu de qui nous dépendons. Constamment et chaque jour. Ayons la crainte. En dehors donc de ça. L'événement fatidique qui est la mort qui donne des sueurs froides aux gens à force d'y penser. Si même un ange un peu plus gentil t'est révélé aujourd'hui, bon, tu vas mourir aujourd'hui à 23h32. Imagine. Et que ce soit sérieux et vrai. Un ange sérieux. À 23h32. Imagine, tu regardes d'où tu es venu, tu réalises qu'il te reste que quelques heures à vivre. Que vas-tu faire? À quoi vas-tu occuper le reste du temps ici? Soyons francs. Voyez ceux qui étaient dans la Titanic. Quand on l'a inventé, on a dit, mon côté, à Tanzanie. Le concepteur hein, de ce grand bateau la Titanic. Mon côté à côté de Sango, attends Zambé. Très bien. Attends Zambé, comme il s'appelle. Et même bateau, parce qu'on a la folie et Sango, et Dinda. Et Dinda, pourquoi? Parce que l'homme n'est pas Dieu pour tout fixer d'avance. Dieu est au-dessus de l'homme. Zambé, Azali, Kolon, Moutou. Moutou, Azali, Mouzambé, Tepete, Akana, Nyonso. Et Frère Branham a dit, nous devons lire les signes des temps. L'écriture sur la miraille. N'attendez pas la dernière minute pour vous mettre à chanter comme à la Titanic. Mon Dieu, plus près de toi. Ceux-là se sont mis à chanter avec les meilleures voix qu'ils pouvaient se permettre. Voyant que ça commence à s'enfoncer, et ils ont commencé à entonner. Par vous, ici, là, chantons. Mon Dieu. Mon Dieu, plus près de toi. Mais l'eau ne fait que monter. Plus près de toi. L'eau est en train de venir. Oh, c'est le mais l'eau ne fait que monter, ça attend déjà les genoux. Plus près. Ça monte, ça a été la hanche. Dans son frère, dans les genoux, les pleurs, ça attend déjà le ventre. Dans, ça attend déjà les coups. Gardez. Parti. Ils ont chanté avec conviction que Dieu a prêt à intervenir. Ils ont chanté un peu espérant. Mais l'eau est arrivée. Oh, la chanson a changé. Au lieu de mon Dieu, dans les jours. Ils ont attendu de chanter ça quand ils ont senti la pression de la mort à avancer à grands pas. Branham vous conseille, n'attendez pas ce moment-là. Tu mènes une vie de libertinage, une vie de prostitution, de copinage, de folie et de maçons, une vie de paix dans la fraude, de l'incrédulité, la vie de prière d'une église. Parce que tu dépends de toi-même, et que ton cœur va continuer à battre indépendamment. Il y a un masque là-haut, de qui tu mets dépend. Dépend de lui. Quand il va souffler, tout s'arrêtera. Il y a une âme sincère pour dire amen. Amen. Chaque battement du cœur nous rapproche de ça. Alors si ce n'est pas ça, le cas de mort, nous avons la deuxième possibilité à laquelle chaque battement de notre cœur nous rapproche. C'est l'enlèvement de l'église. Ceux qui seront vivants seront enlevés. Et ceux qui seront passés par la mort seront ressuscités et les vivants seront changés avant d'être enlevés. Alors, les deux grands événements qui sont devant nous, la mort d'un côté, l'enlèvement de l'église de l'autre, Dieu seul en détient le secret. Personne ne connaît ni les jours ni l'heure de l'enlèvement. Personne. Nous les savons. Et chaque fois que le cœur bat, l'enlèvement ne fait que s'approcher. L'enlèvement se rapproche. Malheureusement, le moment fixé par Dieu se rapproche. Mais quand ce moment sonnera, ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé, seulement ceux qui seront prêts. Mais il y a des courageux qui viendront quand même, qui espéreront être enlevés. Et qui viendront se présenter devant le Seigneur, frapper comme devant l'arche de Noé qui était fermée, pour qu'ils aient accès. Ils le feront. Dans Matthieu 25, plus tard, les vierges folles se présentèrent à la porte qui était déjà fermée. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Nous nous sommes préparés. Nous nous attendons à l'enlèvement. Ça ne peut pas avoir lieu comme ça sans nous. Ça serait injuste que nous ne soyons pas partis. Le Seigneur leur répondra, je ne vous connais pas. Relisons Matthieu 25, verset 5 à 13. Comme les pourparlers, toutes les vierges s'assoupirent et s'endormirent. Les sommeils spirituels, la somnolence comme plusieurs sont endormis. Même si dans l'église, plusieurs esprits sont spirituellement endormis. Mais il ne faut pas le réveiller ici dans l'église. C'est l'état de l'église ce matin. Je dois vous dire en face ce qui vous concerne. Plusieurs esprits qui présents sont endormis spirituellement. La somnolence, la spirituelle, l'assoupissement, vous êtes la spirituelle. Réveille-toi, quelqu'un doit te le dire. Si tu n'en as pas conscience, quelqu'un doit te conscientiser. Et c'est le rôle de l'itinérant prédicateur. Parcourir le pays, parcourir l'église. Réveille-toi. Je vous ai dit tantôt, plusieurs esprits endormis ici. Quand le Seigneur montre ce que vous êtes, votre esprit ici présent au culte, n'allez jamais endormi dans l'état de mon église. Il faut un réveil. J'implore miséricorde de la grâce de Dieu. Vous dormez, vous êtes nombreux. Nous ne venons pas ici pour faire des spectacles. Vous êtes nombreux à dormir. Vous venez pour fainéanter, pour somnoler. Et ça ne peut pas être un témoignage. Les choses ne doivent pas rester comme ça. Les membres de l'église doivent se réveiller du sommeil. Vous ne me pas, je sais que tu vois la beauté de l'église. Je ne parle pas le bâtiment. Pas du tout le bâtiment. Mais qui fait la beauté de l'église. C'est la qualité des adorateurs. Les personnes, hommes et femmes qui viennent là-bas. Je prie à cet endroit. De quelle beauté es-tu? De quel caractère spirituel es-tu? Nous voulons le caractère de Jésus-Christ. Le caractère de la parole. La personnalité de la parole. C'est ce qui doit être manifesté dans chacun de nous. Mais Dieu vous voit. Dieu te voit. Spirituellement endormi. Mais c'est le même Christ qui m'envoie pour t'interpeller. Il y a plus beaucoup de temps. Et j'ai oublié cela. Il y a plus beaucoup de temps. Le temps est compté. Le temps est presque fini. Nous devons acheter le peu qui nous reste. Et nous s'occuper aux choses importantes du royaume. Si tu as une âme dedans de toi, écoute la voix du Seigneur. Ce qui est de nous, c'est le volet de nos mères. Si tu entends sa voix, n'endurcis plus ton cœur. Car tu ne sais pas combien de temps te reste à vivre ici. Combien de temps te sépare de l'enlèvement. Mais chaque minute qui t'est donnée, minute de ça pour être agréable à Dieu. Pour donner à Dieu le meilleur de toi-même. Pour offrir à Dieu le meilleur de ta personne. Pour présenter à ton Dieu le meilleur des caractères que tu as. La personnalité de la parole. La beauté des caractères. Comme Jésus avait dit, j'espère que je fais toujours ce qui est agréable. Je fais toujours ce qui est agréable. On rappelle ici dans Jean chapitre 8. Notre divin modèle nous a montré le chemin. Et notre vie doit reproduire le même exemple. Jean 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Toi aussi? Est-il avec toi? Mais comment tu dors? Pourquoi cet état spirituel d'abaissement, de diminution, de régression, de rétrogradation, au lieu d'atteindre et rester au sommet, il fait dégringoler. Tu perds même les qualités que tu avais déjà acquises. À cause du formalisme et la complaisance. Oh, le divin modèle est ici. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Pourquoi? Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il est notre divin modèle qui a indiqué le chemin à suivre. Et dans les épîtres de Paul aux Éphésiens, nous lisons ceci au chapitre 5, verset 10 et 11. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et quand vous l'examinez et que vous le trouvez, faites-le, pratiquez-le. Ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez pas aux œuvres infructueuses de son œuvre, mais plutôt condamnez-les. Les œuvres improductives de ténèbres. Des occupations futiles. Ne prenez pas part à ça. Ces choses-là honteuses. Séparez-vous. Soyez agréable à Dieu. Allons dans Romains 12. Il nous montre le chemin. Quant à nous, notre part, Lui, il a vécu sa vie sur terre, il a laissé l'exemple et modèle parfait, et il nous laisse maintenant la tâche, c'est notre tour de vivre. Romains 12, verset 1 à 3. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Ce sont ces corps qui sont lourds pour la prière. À cause de la somnolence spirituelle. Un état de rétrogradation. Réveille-toi, toi qui dors. Dieu vit et il a besoin de ta vie à son service. Il veut ta vie en sacrifice pour sa gloire. Tu dois te sacrifier toi-même. Et sacrifier tous les pécheurs qui te tirent vers le bas. Il faut les sacrifier pour devenir souple à son corps. Offre ton corps. Offre ton corps. Il dit ça. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, par la volonté de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Amen. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Amen. Oye, na boule, ipe oye e bongi, ete zambe ayabayango. Bongo, boko sambe na ye nantina. Y a-t-il une place ici pour une fille de négligence? Et allez la chica par la bongo yabongo. Un peu de paresse, un peu d'oubli. Un peu d'amnésie, on peut tolérer. Parce que l'évangile est recommandé. Encore tant qu'il vit. Encore tant qu'il respire. Encore tant qu'il a un cœur qui bouge. Encore tant qu'il bouge. Mais je ne vous entends pas. Je ne sens pas. C'est l'homme de se donner à Dieu. Oui, Seigneur, je veux le faire immédiatement. Je peux faire attendre trop longtemps. J'ai reporté. Mais la situation n'est allée que devant l'Empire. Et voilà dans ton écran maintenant. Je veux que tu me réveilles. Fais quelque chose pour mon âme. Je veux que tu me réveilles, Seigneur. Offre ton corps. Ne te plains pas trop de ces douleurs. De ces maladies. De ces tourments. Dans l'état où il est là. Offre-les à Dieu. Si Dieu veut les garder malades. Si Dieu veut les laisser malades. Si Dieu veut les laisser malades. Si Dieu veut les laisser malades. Si Dieu veut les laisser malades. Si je serai que c'est pour sa gloire. Je ne vais pas me plaindre de ces choses. Je lui donne mon corps. Tel qu'il est. Tel qu'il est. Tel que je suis sans rien à moi. Je me présente sous le sang. Je te crois ces paroles, Seigneur. Je crois chaque évangile que tu prêches. La vérité proclamée. La promesse de Dieu vivant. J'ai toi pris les chemins. Prends-moi tel que je suis. Utilise-moi comme tu veux. Je veux faire ce qui t'est agréable. Et Dieu t'agréera. Et Dieu te bénira. Et Dieu te fortifiera. Et Dieu t'utilisera. Et Dieu témoignera. Parce qu'il est Dieu qui est la prière. Il est l'homme qui change les choses. Qui te fera oublier ta peine. Il peut faire même que la douleur demeure dans le corps, mais que ton corps ne le sente plus. Amen. Car tu l'appelleras par la foi distraction. La douleur peut être là. La douleur peut être là. Mais Dieu peut faire que tu ne les sentes plus. Tu n'en éprouves plus les effets. Car selon que tu es fils ou fille d'Abraham, Je le dépose à ses pieds. Tout ce qui m'encombre, je le dépose à ses pieds. Tout ce qui m'ennuie, je le dépose à ses pieds. Tout ce qui me dérange, je le dépose à ses pieds. Tout ce qui me tracasse, je l'abandonne à lui. C'est dans le corps que ça y est, mais lui m'a demandé mon corps. Tant que ce corps est malade, il y a une maladie. Et ça, que ce soit pour lui cette maladie. Que ce soit à lui. Moi je vais la faire. Je vais demeurer à son service en permanence. Je ne vais me laisser distraire par rien du tout. Ni par les membres de mon corps. Ni par l'intime de mon corps. Levez la parole vivante. Levez la puissance et résurrection. Je rassurerai que la trouver pour Dieu. Elle opérera n'importe quoi. Elle fera tout ce qui peut faire. Tout ce que Dieu voudra. Dieu le fera. Lorsqu'il est au ciel, et tout ce qu'il veut, il le fait. Il règne. Dieu règne. C'est vrai. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Bobongona, pona kuzwa makanisi na sika. Tumuna tokoka kusosola mokano na Nzambe. Yango ya malamu, yango bukukinde koyamba, yango mpe ebongi mpua. Que cette puissance entre. Yango peta. Par la parole prêchée ici. Par la simplicité comme je l'ai dit là. La parole est puissante. Quand elle sort avec onction. La parole agit dans tous ceux qui la croient. A-t-il la foi en Dieu? A-t-il la foi dans chaque parole? Je voudrais dire qu'il te soit fait selon ta foi. Que Dieu rende ton corps en paix à ta foi. Et Dieu soit le membre de ton corps. À la foi de ton cœur. Et ton homme est aussi sa vie de mon autre maillot. La conduite de ton corps obéissant à toi. Et ta conduite de ton cœur est aussi sa vie de ton cœur. Je veux ton cœur. Et cela soit fait dans les membres du corps. Alléluia. La voix sale m'a cassé la vie de mon autre. Comme tu veux qu'il te soit fait comme ça. Et tu es le de Salam et l'Aïeux. J'ai confiance dans le Dieu qui te connaît. Et tu es le de quand il parle, c'est pour une intelligence. Ma vie endormie. Il a un réveil pour mon âme. Il ne parle pas pour me tourmenter. Il parle pour me délivrer. Il parle de nos cœurs. Ils ont été des marqueurs. Ils ne sont pas sur l'orbite de la victoire. Veux-tu le prendre au mot? Je te vois. Il est celui qui me réveille. Il est un homme de son sommeil. Voyez dans Zacharie 4, verset 1. Zacharie a qui parlait avec Zacharie. Réveillez Zacharie. Réveillez un homme de son sommeil. Et vous en avez dit que votre pasteur. De confiance en sa fidélité. Est-ce que tu prends conscience? Amen. Tu prends conscience que tu es dans la présence. Amen. Quand tu prends conscience, alors tout est possible ici. Amen. Tu ne dois pas quitter ta place. Amen. Amen. Amen. Ici. Amen. Amen. Léo. Oui. Dieu, Léo. Alléluia. Awa, ne awa. Amen. Amen. Zambé, Ndezambé, Gouya na yende Gouya, Lobiko na yende Lobiko, na yepo na zoyango. Et il a dit, reçois le salut de Dieu maintenant. Amen. Amen. Sans tarder. Ne repose pas demain. Awa, Nde, Awa. Sokin Zambé ya Elia, Azani Nde Moko. Colingi et hier. Élie est monté sur le Mont Carmel. Il a prié Dieu sur le Mont Carmel. Dieu l'a écouté sur le Mont Carmel. Et Dieu l'a exaucé sur le Mont Carmel. Élie a bougé dans le Mont Carmel. Élie a bougé dans le Mont Carmel. Dame, après ça, il y a un peu de colère dans le Mont Carmel. Donc si tu es monté au quartier Salon de Léopard, je peux vous dire, vous étiez sur le Salon de Léopard, je peux vous dire, je peux sur le Salon de Léopard, je peux vous dire, je répondre, ah ouais, amen. La foi sort les paix de foi qui te reste. Quand tu m'as dit que ça comme pendant, quand la visitation de Dieu est là, c'est tout le monde, ça me donne une vue. Il veut résoudre les problèmes. Et la semaine qui commence va devenir pour toi une autre semaine. La semaine qui commence, toi tu ferais en effet. En expérience, en témoignage. Et la manière de s'approcher de Dieu. La différence doit entrer. Quand Jésus-Christ, dans Luc chapitre 19, est entré dans la maison des Zachée, il a déclaré cette parole mémorable. Aujourd'hui, le Dieu est entré dans sa maison. Car je vois que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Notre maison est ici. La maison de Dieu avec nous. La maison de Dieu pour nous. Ça nous rassemble comme un édifice spirituel. Le salut est en train. Amen. Par la parole, l'évangile du salut. Vous entendez, le salut doit entrer. Et dès qu'il entre, Ce qui est important, c'est que souviens-toi que Dieu qui t'a vu endormi, il est celui qui t'a réveillé. Amen. Dieu marche avec les croyants. Amen. Toi tu crois et lui bénit. Toi tu crois et lui agit. Amen. Écoutez, nous retournons à Matthieu 25. La semence est tombée en terre. Amen. Elle doit croître et mûrir. Elle doit produire du fruit selon l'espèce de Dieu. Matthieu 25. Nous avions commencé au verset 5. Comme l'époux tardé, toutes les vierges s'assoupirent et s'endormirent. Voilà, Dieu te dit, réveille-toi. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux aller à sa rencontre. Et au mera qui m'obale la libala, bangonyo so, bayo ki pongimpe balali. Katina boutou, mungongo yo kamiate, tala m'obale la libala. Bobi m'ompona kouzomanaï. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Bongo basse kanyoso, balongana pongimpe, bobongisaki mina na bango. La parole vous réveille. Amen. Le message de l'heure est un puissant réveil. Amen. Il doit s'arrêter d'être des brochures devant toi. Et devenir une puissance de réveil intérieure. Il ferait que quand même tu voudrais dormir et négliger, mais tu ne sauras pas. Amen. Parce qu'il y a une source que Dieu a placée là, que rien ne peut étouffer. Amen. Même quand tu voudrais renoncer et faire comme tout le monde, il n'y a une source intérieure. Il n'empêcherait de faire n'importe quoi. L'automatisme du Dieu vivant. Car le salut vient de sa grâce. Il dit, les folles dirent alors aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et à ces présents pour vous. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui. Voilà. Et qu'il y a bango kosomba, pas tout le monde qui entre, mais juste celles qui étaient prêtes, les vierges qui étaient prêtes. Et qu'il y a bango kosomba, mobile na libala aye impe, bango babongi ba ingela kesi kamoko na ye. Bomoni ezali bobele, bango nyosote kasi bobele bawo ba milengela kinde basa kokota, ba miseka oyo babongi samaki. Ils entrèrent avec lui dans la salle d'annonce et la porte fut fermée. Mais kota ki na yosi kamoko na libala. Cet événement et ce téléphone se complique. La porte va se fermer. Et kuke kokangama. Et ce sera trop tard. Et l'on dit, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Plus tard, n'arrêtez. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Imaginez un instant qu'une telle réponse vous parvienne après l'enlèvement. Dès que l'église est enlevée et que vous réalisez ça, et que vous m'entendez vous battre à supplier le Seigneur, faire des jeûnes et tout, et que sa réponse vienne directe et sèche. En vérité, je ne te connais pas. Et pourquoi? Parce que tu t'es pointé en retard. L'heure fixée est passée. Tu n'as pas pu répondre présent. Tu as raté ton occasion. Maintenant, ce n'est plus le temps. Désespéré. Il y a des gens. Ils vivront ça. Ils en abattent pas comme ils le font. Aujourd'hui, on s'amuse, on blague avec le message. Mais l'autre, vous allez que ça va dans la salle. On se permet d'affirmer n'importe quoi, de croire n'importe quoi. Vous allez comme une personne zélée. Oh, recueillez-vous comme vous voulez. Et le jour vient où la réponse d'en haut sera, je ne te connais pas. Et vous connaissez les couleurs, il y a une couleur et vous allez tenir bien. Oh, Seigneur, mais je parlais de beaucoup de citations. Et vous prenez même les témoignages de plusieurs frères, ils me connaissent. J'avais maîtrisé beaucoup de citations et vous je ne te connais pas. À quoi bon tous ces efforts? Et le pouvoir d'espèce de religion. Dès qu'il aura dit ça, ce sera désespéré pour toujours. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Que ferons-nous? Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. L'on a posé une question au prophète William Branham une fois ici. Partageons cette question ensemble.